Un jour, les frères Dardenne feront un film sur Helmut Perchu. Bah pas avec moi, hein. C'est leur univers. Helmut, t'es rentré, enfin. Ah, ça y est, je suis là. D'accord, j'avais oublié. Oh, mes amis. Bah, bien sûr, vous vous en doutez. J'ai passé un week-end de vandalisme émotionnel. J'étais à Cannes pour la fin du festival. Alors, j'étais dans ma chambre d'hôtel, peinard, en train de montrer à une petite boniche slovène et sans papier comment faire le lit depuis l'intérieur du plumard, tout nu, en écoutant Mike Brandt et en buvant du schnapps. Quand d'un seul coup, le téléphone sonne. Que les couilles des grâches rôdeurs trempent dans ma soupe! Y a pas moyen d'être tranquille. Allô? Mais bien sûr que non, j'ai pas oublié que c'était moi qui devais faire le discours de clôture du festival. C'est quel jour déjà? Ah, je suis en retard de 2 heures, j'arrive tout de suite. Enfer et couilles de prêtre! J'ai oublié le discours de clôture! Ah, oh, je suis sous, j'ai rien préparé. Gunther a bouffé mes mocassins vernis et mon smoking est toujours chez Salma Hayek. Pas de panique, Helmut. C'est dans l'adversité que tu as le meilleur. Bon, la boniche slovène, tu m'attends là, hein, j'ai un truc à faire. J'emprunte tes fringues aussi. Essaye habillé en esclave des temps modernes que je me suis retrouvé au pupitre du palais des festivals. Mais qu'est-ce que vous foutiez, mon Dieu? Oh, ça va, j'étais retardé par une femme de chambre. Elle m'a obligé de mettre ses fringues en plus. Vous êtes encore sous, c'est scandaleux. Oh, ça va, hein? Toi, t'es toujours con, j'en fais pas de maladie. Et ce déguisement, c'est un goût. Helmut, vous n'êtes qu'un muf. Ça va, toi, hein? Tu te prends pour qui avec ton costard de chef des ventes chez IBM? Allez, dégage et annonce-moi. Faites court, hein? Moi, vous parlez, plus on a de chance de pas entendre de conneries. Ah, tu le prends comme ça? Ivrogne. Pédale. Je vais te les soigner, toi, tes festivaliers. Salut tout le monde. Ça y est, le 58e festival de Cannes est terminé. Pendant un jour, vous avez mangé comme des vaches, bu comme des poissons et vomi comme des ados. Votre petite armée de pique-assiettes à la recherche d'invitations VIP pour finir vos nuits dans des soirées branchouilles où le champagne et l'ennui coule à flot va pouvoir retourner sur Paris pour faire la même chose. Vous allez rendre la croisette aux vieux qui bavent sur leurs damars et à leurs chiens qui pissent sur leurs pantoufles. Vous allez pouvoir ranger vos lunettes de soleil qui, d'ailleurs, n'auront pas servi. Le temps fut tristement gris et ce n'est pas l'éclat intellectuel que vous dégagez qui risquerait de vous abîmer la rétine. Restez au chaud dans vos salles obscures et que la lumière ne se rallume jamais. Salut. Bon, je vous cache pas que pendant la cérémonie, juste après, pendant la fête, personne n'a accepté de m'adresser la parole. Sauf une, normal, le barman. Ah, Cannes, quelle belle fête. Vivement l'année prochaine. Bon, en attendant, je vous laisse. Je file à Roland Garros. Au Wiedersehen.